C'est parce que je suis étranger. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il n'y a pas de propriété. Si c'est mon parce que j'ai ça. D'après l'évangile, c'est d'être qu'appartient le ciel et la terre. Je n'étais pas un animal pour être maltraité. Personne ne vous a dit. Personas buenas y las entusias malas. Y para los primeros siempre habrá sitio mejor.